bonjour, excusez-moi, est-ce que vous accepteriez de répondre à quelques questions pour un exercice sur la fête de la science? D'accord, mais vite, hein, parce que je suis pressée. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, alors je suis Madame Maury, je suis enseignante. Madame Maury, et je suis enseignante. Enseignante en collège, lycée? Collège. D'accord. Qu'est-ce que la science pour vous? Alors, qu'est-ce que c'est la science pour moi? Eh bien, la science, c'est un peu, c'est comprendre un petit peu tous les phénomènes qui peuvent se passer autour de moi. C'est ce qui va me permettre de comprendre mon environnement, de comprendre les choses de l'univers. Voilà, c'est ça la science. Et quels sont les domaines de la science que vous préférez? Moi, j'aimerais bien la chimie. Et quels sont les objets pour vous qui font référence à la science? Alors justement, les objets du quotidien, il y en a des tas hein, qui permettent de qui sont liés à la science. Tous les objets de la vie quotidienne, même un téléphone, un portable, là, ça me fait penser à la science. Mais Et où est-ce que vous avez rencontré la science pour pouvoir l'aimer autant? Où est-ce que je l'ai rencontré? Moi, c'est au collège que j'ai aimé la science. Grâce à un prof et à des manips en chimie. C'est ça qui m'a fait aimer la science. Et est-ce que vous avez déjà vu un film ou un documentaire qui fait référence à la science? Je crois que c'est le dernier que j'ai vu, ça s'appelle La fabuleuse histoire de la science. D'accord. Et sur A5. Eh bien, merci beaucoup pour notre enquête. De rien.